radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous pourrez dire ce que représentait pour Marilyn Monroe l'univers de la littérature. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Avec une émission proposée aujourd'hui par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Aloïs Guérin, Jean-Christophe Francis, Laurence Genepin et Félix Delacour. La beauté de Marilyn Monroe tient autant à la perfection de ses traits qu'à l'expressivité de son visage. Ses émotions, ses mimiques, ses attitudes la rendent belle, car elle laisse entrevoir la femme qu'elle était et sa sensibilité extrême. Or, comme l'a dit Arthur Miller, pour survivre, il aurait fallu qu'elle soit plus cynique, ou du moins plus proche de la réalité. Au lieu de cela, elle était un poète au coin de la rue, essayant de réciter ses vers à une foule qui lui arrachait ses vêtements. Et c'est justement de cette femme poétesse dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. I wanted my mother's maiden name because I felt that rightfully was my name. I couldn't take my father's name very well. So I wanted at least something that was related. So I said I want the name Monroe, which was my mother's maiden name. And the true things rarely get into circulation. It's usually the false things. Yeah, that's what she claimed. La voix susurrante et si caractéristique de Marilyn Monroe qui parlait de son patronyme en archive. Bonjour Tiphaine Samoyo. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Vous êtes essayiste, romancière et traductrice. Vous avez traduit aussi bien Marilyn Monroe que James Joyce. De Marilyn Monroe, vous avez choisi de traduire en 2010 le volume des écrits sous le titre Fragments, poèmes, écrits intimes, lettres. C'est au seuil et c'est paru avec une préface d'Antonio Tabucchi. Tout cela vient de ressortir en collection Point Seuil. Et puis à distance, nous sommes avec vous, François Guérif. Bonjour. Bonjour. On vous connaît surtout pour votre spécialité qui est celle du polar. Vous êtes en effet le fondateur et directeur de la collection Rivage Noir, mais vous êtes aussi le traducteur du récit que le poète Norman Rosten avait consacré à son amie Marilyn Monroe. Marilyn, Ombre et Lumière, vous l'avez traduit en 1984. Et ce texte reparaît aux éditions Seghers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour commencer, François Guérif, qui était cet ami de Marilyn Monroe, Norman Rosten? Oui, alors, petite correction quand même, je ne l'ai pas traduit en 1984, je l'ai traduit en 1975. D'accord, bah, la première édition j'étais mal informé. Du livre est parue en 1975, donc 47 ans. Et qui était Norman Rosten? Norman Rosten était un poète qui a travaillé un peu pour le cinéma. Si je ne me trompe pas, il a notamment travaillé au scénario de Vue du Pont d'après la pièce d'Arthur Miller d'ailleurs. Et c'était un poète et il a écrit un très beau livre sur Marilyn Monroe. Donc un livre où il raconte cette année passée à côté de la star. C'est ça. Et puis surtout qu'il l'a présenté, c'était le premier livre un petit peu. D'ailleurs, le titre original, c'était An Untold Story. C'est une histoire qu'on n'a jamais racontée. Et la première séquence, si je puis dire, de ce livre est très significative, c'est-à-dire qu'un ami lui dit, qui est un photographe très connu, Sam Shaw, qui lui dit, voilà, je suis avec un modèle, je passe te voir, parce qu'il va pleuvoir, et d'un seul coup, il voit arriver une jeune femme complètement naturelle, et puis il la reconnaît pas, évidemment, et puis d'un seul moment donné, elle dit, j'ai fait des films, et on lui dit, vous êtes qui? Et on dit, Marilyn Monroe, et il tombe des nues. Donc, et tout le livre, c'est vraiment Marilyn Monroe sans phare, et Marilyn Monroe intime, et Marilyn Monroe en effet poétesse, intéressée par la littérature, fragile, et également aussi bien sûr en arrière-plan, son histoire d'amour avec Arthur Miller, dont Norman Rosten était un ami. Et comme Norman Rosten était lui aussi poète, et qu'elle avait confiance en lui, assez naturellement, c'est à lui qu'elle a fait lire les petits textes qu'elle écrivait. Tout à fait. Tout à fait, et c'est vrai que c'est des très très beaux poèmes. Voilà, je sais. Bon, on peut en écouter si vous voulez pour commencer avec quelques extraits, enfin un extrait de Fragments, lu ici par Caroline Ducet. Seuls quelques fragments de nous toucheront un jour des fragments d'autrui. La vérité de quelqu'un n'est en réalité que ça, la vérité de quelqu'un. On peut seulement partager le fragment acceptable pour le savoir de l'autre. Ainsi, on est presque toujours seul. Comme c'est aussi le cas de toute évidence dans la nature. Au mieux, peut-être, notre entendement pourrait-il découvrir la solitude d'un autre. Vous êtes traductrice, Tiphaine Samoyeau, de ces fragments, tout comme vous êtes traductrice aussi de James Joyce, pas l'intégralité d'Ulysse, mais le dernier chapitre, on y reviendra. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire ces écrits de Marilyn ? Alors, précisément, c'est parce que j'avais traduit Ulysse que Bernard Comand m'a demandé si j'accepterais Bernard de traduire Comand, ces fragments. Aux éditions du Bernard Comand, donc, qui a eu la chance de pouvoir... par la confiance que lui a accordé Simon Bourtal, qui était dépositaire de l'ensemble de ses manuscrits, de faire l'édition mondiale de ses fragments. Donc c'est une aventure un peu particulière. Alors il voulait précisément qu'elle soit inscrite dans un panthéon littéraire et qu'elle ne soit pas, qu'elle soit traitée, que cette œuvre soit traitée de façon littéraire. Et donc il préférait que ça soit une traductrice de littérature. Qui la traduisent. Et donc ça a été une expérience assez forte parce que une partie de ces textes n'avait jamais été publiée, n'avait même jamais été retranscrite. Et donc c'est très particulier parce que d'habitude quand on traduit des œuvres qui ont déjà été publiées dans leur propre langue. Là, comme le livre est sorti en langue anglaise comme dans d'autres langues en même temps. C'est une publication mondiale. C'était une publication mondiale et donc j'ai travaillé à partir des manuscrits, donc dans le déchiffrement de l'écriture. Une écriture souvent fragile, heurtée, illisible. Donc j'étais pas seule à déchiffrer, mais ça a fait partie de l'expérience aussi, hein, de traduire en lisant les manuscrits. Donc vous aviez les documents en main, et c'est probablement pour ça aussi que vous avez voulu, avec les éditeurs de ce livre, que les facsimilés soit représentée. Donc on voit l'écriture, on voit la graphie de Marilyn Monroe, qui est en effet une graphie peut-être un peu heurtée, et on sent la rapidité avec laquelle elle écrivait ses petits poèmes. Oui, il n'y a pas de travail continu, d'intention. On sent que ça vient d'un mouvement spontané, souvent lié sans doute à un mal-être ou une difficulté ou une crise. Et on sent dans les manuscrits cette dimension de la crise qui donne lieu à l'écriture de manière plus ou moins sensible, mais c'est quand même presque toujours le cas. Ah, vous êtes également, Tiphaine Samoyeau, la biographe de Roland Barthes. Barthes a parlé, je crois, de Marilyn Monroe. Il a dit dans un entretien en 63, c'était un an après la mort de Marilyn, il a parlé de son amour pour les actrices Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe. Et au sujet de Monroe, il disait elle a un corps de femme et un visage d'enfant. Et c'est ce côté enfantin qui l'intéressait beaucoup. Oui, et c'est vrai que ce côté enfantin est très visible, sensible dans ces poèmes qui non seulement sont marqués par une écriture heurtée, je le disais, mais également par certaines difficultés d'expression. Elle prend parfois un mot pour un autre. Il y a des on sent chez elle une enfance malmenée qu'elle essaye désespérément de surmonter. François Guérif, ces poèmes-là, j'imagine que vous les avez lus aussi. Il est aussi beaucoup question d'un rapport à la littérature particulier, à la poésie, aussi dans le livre de Norman Rosten. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur une Marilyn Monroe qui serait une poétesse? Est-ce que ça vous semble juste d'aller jusque-là? François Guéry, faites-vous toujours avec nous? Bah, tout à fait, si j'en crois le livre de Norman Rosten. D'ailleurs, il y avait... Oui, vous m'entendez? Oui, il y a un petit décalage, mais allez-y. Vous m'entendez? Bon. Oui, si on croit Norman Rosten, elle s'exprimait beaucoup par la poésie. Il y a ce fameux poème où elle dit d'ailleurs, de temps à autre, je fais des vers, mais ne retenez pas ce genre de choses contre moi. Et après tout, qu'importe, ainsi ce que je veux dire ne se vendra pas. C'est ce qui me soucie, beauté corrompue, désir corrompu, leurs pensées évadées avant que je meure, et pense avec de l'encre. Pense avec de l'encre. Apparemment, selon Norman Rosten, elle avait, et puis selon Arthur Miller aussi, elle avait très très souvent recours à la poésie pour s'exprimer. Et elle disait, et Rosten en a témoigné, que pour elle, la poésie est liée à la mort. C'est une intuition qu'elle avait très fort et qu'on sent également dans Ombre et Lumière. Absolument. Absolument, elle dit justement que c'est s'exprimer et mourir, et la poésie c'est presque l'extase sublime. En fait, elle est hantée par la mort depuis le début. On vous avait parlé de son enfance. Il y avait notamment cette fameuse interview de Georges Belmont pour Marie-Claire, qui a été la première assez longue, où elle parle des 10 familles adoptives, de l'orphelinat, de le fait d'être toujours rejetée, de ne jamais trouver sa place. Et depuis le début, elle est hantée, elle est fragilisée, je veux dire, et puis elle est sur un fil, quoi. C'est ce qui la rend tellement, tellement touchante. On pourra revenir d'ailleurs sur l'enfance de Marilyn Monroe un petit peu plus tard avec vous, François Guérif. Il y a aussi un moment très intéressant dans Ombre et Lumière où Rosten raconte qu'un soir, avec elle et des amis, elle avait fait passer, Marilyn Monroe, un exemplaire de Whitman et un autre de Yeats, et que chacun devait ouvrir une page au hasard pour la lire. Donc là encore, on voit qu'il y a un rapport avec la littérature et avec les écrivains qui est présent, qui est très fort. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est Yeats qui lui tombe dessus par hasard, et elle lit un passage qui a aussi un rapport avec la mort. Oui, bien sûr. Tiphaine Samoyo, de quoi est-ce qu'elle parlait dans ses poèmes? Est-ce qu'on peut repérer des thématiques? De la solitude, essentiellement, effectivement, d'un certain nombre de souvenirs d'enfance, des images. Je dirais que ce qu'elle produit avec la poésie, enfin avec les poèmes, ce sont des images pensées. Et c'est dans ce sens que l'on peut parler d'écriture poétique. Bien sûr, si elle a fait lire ses poèmes à Norman Rosten ou à Arthur Miller, c'est que elle avait une intention de poésie. Après, je ne sais pas si elle avait envie de faire œuvre. L'important, c'est, je ne sais pas comment on lit non plus ses poèmes. On les lit évidemment avec sa personnalité, on les lit avec la connaissance que l'on a de son destin. On les lit comme la part d'ombre de la lumière qu'elle dégageait. On met aussi nous-mêmes dans nos lectures beaucoup d'intentions. Moi, j'ai essayé, en la traduisant, d'être au plus près à la fois de la vulnérabilité que cette écriture, dont cette écriture témoigne, mais aussi du souci de l'expression. J'ai été très touchée aussi de la façon dont elle écrivait aussi pour apprendre, pour mm-hmm. rendre compte de ses lectures, de ses émotions, et comment entre 1943, date des premiers textes que j'ai traduits, jusqu'en 1961, eh bien, elle progresse incroyablement dans la recherche du mot juste. Et je crois que la poésie, c'est aussi ça, c'est la recherche d'une forme d'exactitude entre l'émotion et l'expression, et qu'elle a parfaitement compris ça. Si je voulais être un peu provocateur, je vous poserais la question suivante, Tiphaine Samoyo. Est-ce qu'on lirait ses poèmes de la même façon si ils n'avaient pas été écrits par Marilyn Monroe? Autrement dit, le fait qu'on connaisse sa biographie, qu'on sache la grande star qu'elle était, ne les rend-il pas plus intéressants? Bien sûr, ce serait vraiment très hypocrite et sans intérêt d'ailleurs même de dire qu'on les lirait de la même façon, parce que on met aussi toujours une raison et une intention dans ces lectures, et que ce qu'on appelle art ou ce qu'on appelle poème dépend d'énormément de conditions. En l'occurrence, cette condition, c'est le fait qu'elle est une star planétaire, mais voilà, c'est pas, c'est, et donc, c'est et ni a pour cela. De la connaître aussi, c'est pour c'est ça. C'est ni pour cela. Oui, mais c'est ça qui est aussi très fort, c'est que on a accès à travers cela à comme une sorte de déchirure. Et c'est pas seulement sa déchirure intime, hein, c'est que il y a une déchirure de la lumière qui par quoi, dans quoi s'engouffre cette expression et les images qu'elle produit et la tristesse dont elle rend compte, et il y a quelque chose de très puissant à ça, parce que souvent la fascination qu'elle exerce, c'est aussi d'être une sorte de généralité absolue de la beauté, de la lumière, de la femme, et là il y a quelque chose qui est beaucoup moins général, hein, qui est une intimité singulière et qui évidemment émeut. Oui. Mais c'est le rapport, évidemment, entre les deux qui fait poème. Et on ne peut pas dire autrement. François Guérif, il y a un poème que cite Norman Rosten. C'est le poème « Au saule pleureur » où elle écrit « Je me tenais debout sous tes branches et tu as fleuri et finalement tu t'es accroché à moi quand le vent nous cingla de terre et de sable. Tu t'es accroché à moi. » Est-ce qu'il n'y a pas là une thématique qui serait la thématique du rapport à la nature? On a dit que donc elle aimait Whitman. C'est quelque chose qui revient chez elle. Tout à fait. D'ailleurs, Norman Rosten, sélectionne ce poème. Il dit que l'image centrale du poème a quelque chose de particulièrement poignant. Et que c'est un arbre fragile qui s'accroche à Marilyn dans la tempête, comme Marilyn Monroe ballottée dans la tempête s'accrochant à l'arbre bien enraciné. Et puis oui, il y a ce rapport à la nature. En plus, elle écrit ça, c'est au moment où elle est avec Arthur Miller dans cette maison de campagne qu'ils essayent de transformer en foyer accueillant et qui finalement va tourner mal. Mais en même temps, c'est très intéressant, c'est que c'est le moment vraiment où elle est intéressée par les petits arbres, par les plantes, où elle s'en veut à mort parce qu'elle a fait construire un mur et que finalement, du coup, ils ont déraciné des arbres et que les arbres meurent. Donc c'est ces fameux ormes, justement. Très, très fort à la nature. Ces fameux ormes qu'elle va essayer de soigner en leur donnant tout un tas de vitamines parce qu'elle se sent en effet coupable et responsable de leur maladie. Exactement. Oui. On peut dire aussi, et rappeler, comme vous êtes également un spécialiste de cinéma, François Guérif, que Pasolini a consacré un poème à Marilyn Monroe dans son film L'Arabia. Donc elle a aussi été une inspiration pour d'autres poètes comme Pasolini. Oui, c'est évident. Je veux dire, elle est, c'est un peu ce que dit aussi Norman Rosten. Elle est à la fois, elle a un symbole qu'elle a pas envie d'être. Ce qui me frappe dans le livre de Rosten, c'est combien, et ce que dit Arthur Miller, et ce que disent les gens qui ont travaillé avec elle, et ce que disait Lee Strasberg, qui lui donnait des cours à l'Acteur Studio, cette envie de perfection, cette envie de travail, en fait, et cette envie d'être meilleur dans tous les domaines qui sont les siens. Et l'image, évidemment, à la fois de... Alors, elle ne renie pas du tout, contrairement à ce qu'on a dit, l'idée de la femme sexy et excitante. Là aussi, Norman Rosten, il est très clair là-dessus. Mais en même temps, il y a une espèce de contradiction entre ce personnage veut jouer Grushenka des frères Karamazov, qui est vous ne me prenez pas au sérieux parce que je suis un symbole sexuel et tout, et en même temps qui doit assumer ce rôle de symboles sexuels. Il y a eu un livre d'une féministe américaine qui s'appelait Joan Mellon, qui malheureusement n'a pas été traduit en français, sur Marilyn Monroe, qui était très intéressant parce que Joan Mellon, dès le début du livre, disait, entendons-nous bien, je ne vais pas vous dire la qualité, parler de la qualité des films ou des metteurs en scène avec lesquels elle a travaillé. Je vais vous parler simplement de l'image que le cinéma a voulu renvoyer d'elle. C'est-à-dire l'image d'une femme sexy, d'une blonde sensuelle et vraiment très excitante, et qui est d'autant plus excitante qu'elle est idiote. Mmh. Donc, alors blonde, c'est... Bah, le problème... Pardon, Blonde, c'est aussi le titre du roman de Joyce Carol Oates, qui est une biographie un petit peu fictive de Marilyn. Je vous propose d'écouter un extrait de ce texte qui rappelle un petit peu ce que vous venez de dire, François Guérif. Cette fille est vraiment remarquable. Elle pourrait devenir une grande vedette si on lui confiait le bon rôle. Et je pense qu'Angela est ce rôle-là. Et tu le penseras aussi quand tu la verras. Le réalisateur soupira. « Ok, Ice Ike, envoie-la-moi. Vois avec mon assistant pour l'heure. » Ne disant pas à Sheen qu'il avait déjà choisi une fille pour ce rôle. Ce n'était pas confirmé, il n'en avait pas parlé avec l'agent de la fille, mais il y avait une dette là aussi, des histoires sexuelles. D'après ce qu'on en raconte, le lendemain, à 16 heures précises, Sheen débarque avec la fille, Marilyn Monroe. Une blonde platinée superbe au corps exquis, vêtue de rayons blanches, chatoyante, et si terrifiée, remarque le réalisateur, que la pauvre gosse arrive tout juste à murmurer. La peau pâle, lumineuse d'une poupée de luxe, et des yeux bleus cobalt brillants de panique. Et les mains tremblantes, refermées sur le gros script. Et une voix si voilée que le réalisateur l'entend à peine lui déclarer, comme une écolière émue, qu'elle a lu le scénario. Tout le scénario, que c'est une histoire étrange et dérangeante, comme un roman de Dostoïevski où on éprouve de la sympathie pour les criminels au point de ne pas vouloir qu'ils soient punis. La fille dit Dostoïevski en appuyant également sur toutes les syllabes. Le directeur dit « Alors comme ça, vous avez lu Dostoïevski, mon chou ?» Et la fille rougit, comprenant qu'on se moque d'elle. Par terre, sur le dos, les bras étendus. La fille explique avec sérieux au réalisateur que dans sa première scène, le personnage est endormi sur un canapé qu'elle doit donc être étendue par terre. C'est ainsi qu'elle a répété. La première fois que l'on voit Angela, elle dort. C'est capital. On la voit par les yeux d'un homme plus âgé, qui est son oncle, un homme marié, un avocat. On ne voit Angela que par ses yeux. Et plus loin dans le scénario, on la voit par les yeux d'agent de police. Des yeux d'homme exclusivement. Le réalisateur contemple stupéfait cette blonde platinée, allongée par terre à ses pieds. M'expliquer le personnage à moi, le réalisateur ? Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors je ne sais pas, François Guérif, si cet épisode est réellement arrivé, si on lui a réellement dit cela, si on s'est moqué du fait qu'elle prononçait mal et Dostoïevski, le nom de Dostoïevski, ou pas. En tous les cas, il y a quelque chose qui sonne quand même assez vrai dans l'espèce de mépris, le côté « sois belle et tais-toi » que les hommes ont pu avoir à l'encontre de Marilyn Monroe. C'est tout à fait vrai. Ce qui est sûr, c'est que quand elle disait qu'elle voulait jouer Grushenka et que les gens se moquaient d'elle, elle disait « mais je ne veux pas jouer un frère Karamazov, je veux jouer Grushenka ». La seule chose qui me paraît peut-être, mais ben, j'en sais rien, j'étais pas un petit peu fausse dans le texte de Joyce Carol Oates, c'est qu'apparemment, elle avait plus de défense que ça. C'est-à-dire que elle ne se laissait pas, vexée comme ça, je veux dire qu'elle avait du répondant. Et je dis ça d'après. Il se trouve que j'ai eu la chance de faire un interview de Jean Negulesco qui m'avait expliqué à l'époque que la fameuse scène dans la grotte avec Robert Mitchum, c'était lui qui l'avait tournée parce que Preminger, Zanuck était furieux parce qu'il avait dit « j'ai engagé deux symboles sexuels, il n'y a même pas une scène de sexe dans le film ». Et que, en effet, après, j'ai rencontré Robert Mitchum au Festival de Cognac et qui m'a dit « Oui, c'est vrai, c'est Jean qui a tourné la scène. » Et d'après ce que disait Mitchum et Negulesco, elle avait du répondant, c'est-à-dire qu'elle n'était pas victime, elle se couchait pas par terre, voilà, je veux dire. Tiphaine Samoyo, sur l'amour de Dostoïevski, cela, on sait que c'est vrai parce que on a pu savoir ce qu'il y avait dans la bibliothèque de Marilyn Monroe. Vous-même, vous êtes un peu penché sur la question. Qu'est-ce qu'on trouve finalement dans cette bibliothèque? Qu'est-ce qu'elle aimait lire? On trouve essentiellement des classiques récents, disons, effectivement, pour son époque, disons, les classiques du 19e siècle, russes et français. Donc, Madame Bovary, beaucoup lu. Vous voulez dire, on sait qu'elle l'a lu plusieurs fois ou... Oui, enfin, on sait que l'exemplaire a été lu. mais aussi Proust, sans doute pas lu de façon consécutive et continue, mais tous les volumes étaient dans sa bibliothèque en traduction, et également Flaubert, Zola, Léon Blois, par exemple, Une femme pauvre, mais aussi donc les classiques russes, et sinon les auteurs américains qui sont un peu ses contemporains, hein, évidemment Miller, mais aussi Dreiser, Steinbeck, Hemingway, Fitzgerald, donc un intérêt aussi pour la littérature de son temps. Peut-être aussi ses amis, Truman Capote par exemple, qui a fait un très beau portrait d'elle. On imagine qu'elle a dû lire ses livres aussi. Oui, bien sûr, mais elle était liée, elle a rencontré beaucoup de monde, d'ailleurs par Norman Rostand aussi. Elle a été très proche de Carson McCullers, donc on trouve évidemment Le cœur est un chasseur solitaire, qui est un livre qui a dû la frapper aussi, parce que c'est le personnage de la jeune fille est aussi un personnage voilà de solitaire en quête. Bon voilà, donc elle lit beaucoup, sans doute aussi dans un souci de rattraper une éducation qu'elle n'a pas eue, mais aussi je pense pour la réserve de retrait et de concentration, de d'espace privé aussi, le plaisir qu'offre la lecture, oui. Et alors, a-t-elle lu Ulysse, qui est donc un livre que vous avez contribué à traduire, le Ulysse de Joyce? Alors ça, c'est un grand débat, parce que effectivement, il y a une photo très très célèbre d'elle, qui est un cliché prise par Yves Arnold, où on la voit dans une tenue très estivale et très colorée d'ailleurs, voilà, dans un espèce de petit parc abandonné, enfin parc à jeux abandonné, où elle lit. Manifestement Ulysse, et elle ne lit pas n'importe quel passage d'Ulysse, puisqu'on voit qu'elle lit la fin du livre, hein, ce qui laisse supposer qu'elle a lu tout ce qui précède. Alors c'est un grand débat, parce que d'abord cette photo est devenue iconique, et qu'elle met en scène l'opposition peut-être entre culture de masse et culture savante ou haute culture, même si à mon avis c'est pas ça l'enjeu. Ça a été aussi beaucoup commenté par les Joyciens eux-mêmes, hein, c'est toujours une question, voilà, est-ce que c'est une mise en scène ou non. Alors Yves Arnold a été interrogée beaucoup plus tardivement sur les conditions de cette photographie. Elle raconte, mais on ne sait pas si c'est un récit rétrospectif réarrangé ou la vérité, que elle devait faire une séance de photos avec Marilyn Monroe, et que Marilyn Monroe, attendant que toute l'organisation soit prête, avait ce livre dans sa voiture et le lisait en attendant. Bon, que ça soit vrai ou non, la photo montre qu'elle le lit, en tout cas au moment où c'est toute une série d'ailleurs de photos. Il y a la photo fameuse où on voit le titre et le nom de l'auteur, mais il y a plusieurs autres photos de cette même série où on la voit lire le livre sans que soit apparent le nom de l'auteur. Et ce que je trouve fort, c'est que on voit manifestement qu'elle lit la fin, donc elle est en train de lire le monologue de Molly Bloom. Or, il y a des points communs évidemment entre Molly Bloom et Marilyn Monroe. Ce sont des figures. Donc, peut-être que ce serait utile que vous nous disiez un petit peu ce que c'est que ce dernier moment de Ulysse, ce monologue de Molly Bloom, pour qu'on comprenne mieux en quoi ça peut être lié à la vie de Marilyn Monroe elle-même. Donc, le monologue de Molly Bloom, c'est donc la fin d'Ulysse qui est écrit dans 18 styles différents, 18 épisodes qui sont écrits dans 18 styles différents, et où à la fin, parole est donnée donc à la femme du personnage principal, Molly Bloom, qui fait un long monologue alors que son mari dort à côté d'elle dans le lit. C'est un texte très célèbre parce que très heurté, sans ponctuation aucune, et peut-être c'est la première fois dans l'histoire de la littérature que une femme est véritablement sujet de son langage, et un sujet complètement libérée sexuellement, fantasmatiquement, linguistiquement. Elle a aussi une façon d'inventer des mots, de prendre un mot pour un autre, qu'on retrouve aussi dans les écrits de Marilyn Monroe. Alors évidemment, je vais pas du tout comparer Joyce et les écrits de Marilyn Monroe, ça m'intéresse pas, c'est pas ça mais la question. Mais le personnage de Mais Louis. la rencontre de ces deux figures qui pour moi incarnent aussi quelque chose de la conscience féminine, enfin pour elle-même et aussi pour autrui, de la conscience féminine au XXe siècle, et malgré toutes les manipulations et toutes les oppressions qu'a pu subir Marilyn Monroe, quelque chose aussi de l'affirmation et de la puissance, je trouve que c'est une rencontre très forte, et que c'est pour moi, peu m'importe qu'elle l'ait lu ou non, je pense qu'elle l'a lu, je décide qu'elle l'a lu, et cette photo est un témoignage très fort de cette rencontre. C'est d'ailleurs une photo qui est prise par une femme, c'est oui, donc un regard plus féminin oui, sur une femme, peut-être que ça joue aussi dans le sujet, non, je ne sais pas. Pour moi, très probablement, bien sûr. Et je pense pas que ça soit ironique du tout dans le regard de cette femme qui la prend en photo. Mais au contraire, et je pense que le choix, si on regarde attentivement la photo, le choix... Il faut aussi rappeler que à ce moment-là, Ulysse de Joyce, qui a été interdit quand même pour obscénité jusqu'en 1934 aux États-Unis, là on est en 1955, 20 ans après, c'est encore aussi, c'est pas simplement un classique de la littérature irlandaise ou de langue anglaise comme ça l'est aujourd'hui, c'est encore un livre qui est considéré comme obscène, comme étant un des premiers à mettre en évidence sans tabou une langue de la sexualité féminine. Et c'est encore perçu comme ça en 1955. Donc c'est pas simplement Marilyn Monroe considérée par beaucoup comme une dame blonde ou comme une voilà une ravissante idiote lisant Ulysse. C'est aussi une icône, une femme absolue lisant un texte extrêmement sulfureux. Oui. François Guérif, vous êtes d'accord avec cette analyse parce qu'au fond, on peut se poser la question de savoir si Marilyn Monroe est du côté féministe ou si elle représente quand même vraiment la femme-objet. Vraisemblablement, elle était un petit peu tiraillée entre ces deux pôles. Non, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, totalement. Totalement, elle n'a pas cessé de lutter contre cette image de blonde idiote. Au contraire, elle a toujours dit, et c'est dans les lettres qu'elle écrit même à Norman Rosten, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de dire je pense, je suis là, je suis un être humain, je ne suis pas l'image qu'on veut faire de moi, que Hollywood est en train de faire de moi. Alors, Rosten parle aussi évidemment beaucoup du rapport de Marilyn Monroe avec les hommes. Elle en a connu un certain nombre. Elle s'est mariée aussi plusieurs fois. Et Norman Rosten raconte que chaque homme la regardait comme celle qui pouvait changer sa vie et l'aider à s'accomplir. C'est quelque chose d'assez fascinant, et ça devait être un poids aussi sur ses épaules très important. Bah, tout à fait, c'est un des aspects les plus révélateurs du livre, c'est qu'en fait, on avait l'impression que Arthur Miller ou que si les intellectuels s'intéressaient à elle, ils lui faisaient un cadeau, et qu'en fait, c'est elle qui les aidait. C'est elle qui a aidé son premier mari qui était, elle était mariée un peu rapidement pour à 16 ans à l'orphelinat, etc. Voilà. Joey DiMaggio qui a été très bien avec elle, pareil, c'est elle qui l'a sortie d'un espèce de monde un petit peu banal et renfermé sur lui-même. Et c'est évident que Arthur Miller, par exemple, a lui apporté énormément. Et d'ailleurs, ce qui est très très intéressant, je trouve, une des choses les plus intéressantes dans le livre de Rosten, c'est que c'est le seul qui parle de leur rapport pendant le tournage de The Misfits. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, elle veut lui faire payer, d'un seul coup, il est devenu le producteur, donc il est devenu celui qui l'exploite. Comme tous les gens à Hollywood, il n'est plus l'amant, il n'est plus l'adorateur. Et que qu'est-ce qu'elle lui dit à ce moment-là ? Elle lui dit qu'elle est consciente qu'elle est exploitée. Donc elle n'est pas justement ce produit. Elle n'est pas la personne qui soi-disant leur a fait du bien. C'est qu'en fait, il existe aussi grâce à elle. Et surtout grâce à elle. Alors c'est fascinant ce que vous expliquez, François Guérif, parce que justement dans Les Désaxés, The Misfits, film de John Huston, écrit pour elle par Arthur Miller, on sent que le personnage de Marilyn Monroe est là pour aider les personnages masculins qui sont un peu comme de grands enfants qui se perdent à la fois dans la violence, dans l'alcool, dans la chasse aux animaux, enfin en l'occurrence aux Mustangs. Donc il y a comme une espèce de calque de sa vie et de son rapport aidant que vous décrivez très bien vis-à-vis des hommes, une espèce de calque dans ce film-là. Est-ce que vous le voyez aussi, François Guérif ? Ah bah tout à fait, d'autant plus que ça aussi c'est dans le livre de Norman Rosten, et bon, on a beaucoup écrit sur The Misfits, étant donné que c'est le dernier film de Clark Gable, qui était très gentil avec elle et en plus qu'elle avait idéalisé comme un père, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que pendant l'écriture des Misfits, elle lui fait changer les phrases de dialogue à Arthur Miller. Elle lui dit « Je ne dirai pas cette réplique, qui est une réplique imbécile, qui est pour une crétine. Ouais. » Et d'ailleurs, je me souviens d'un critique français, je me souviens plus si c'était pas Domarquis, qui avait écrit « Quand on voit le monument d'imbécilité qui lui a écrit, on peut comprendre qu'elle l'ait quitté. » Donc pas du tout, elle n'est pas du tout la passive, elle est active, elle est très active. Elle est à l'inspiration de ce film, mais elle n'accepte pas la façon dont il la présente. Et elle modifie cette vision, et ces modifications sont importantes. Donc au fond, ce film, c'est l'œuvre peut-être qui en dit le plus sur l'histoire Miller-Monroe, plus que n'importe quelle analyse ou conjecture. C'est un peu d'ailleurs ce que dit Norman Rosten. Mais moi je pense qu'il a tout à fait raison. C'est le film, c'est la fin. C'est la fin, j'allais dire la fin d'une liaison, c'est la fin d'un amour, c'est la fin de plein de choses. Et c'est, Rosten, je veux dire, le dit tout à fait, il a raison. Je crois que l'histoire Arthur Miller, Marilyn Monroe n'a jamais été aussi bien résumée que dans Les Misfits. Alors on écoute un extrait de The Misfits de John Huston. Crazy. They're all crazy. You try not to believe it because you need them. She's crazy. You struggle, you build, you try, you turn yourself inside out for them. But it's never enough. So they put the spurs to you. I know, I got the marks. I know this racket. I just forgot what I knew for a little while. Il y avait aussi François Guérif chez Marilyn Monroe, et ça aussi c'est assez poignant, un besoin d'admirer et d'admirer dans le domaine de la littérature, ce qui nous ramène à notre sujet, parce que le choix d'Arthur Miller, que d'ailleurs Norman Rosten ne comprend pas très bien, Norman Rosten dit à Marilyn Monroe, mais que vas-tu faire avec cet homme qui n'est même pas beau, qui a des dents qui ne vont pas du tout, qui a des lunettes, pourquoi est-ce que tu épouses ce type-là ? Eh bien la réponse c'est probablement parce que c'est un grand écrivain. Et il y a cette attirance pour, malgré tout, l'intelligence littéraire d'Arthur Miller. Ben, tout à fait. Tout à fait. Et Arthur Miller, d'ailleurs, le dit lui-même. Et on parle de sa pièce qui s'appelle « Après la chute », qui est quand même une mise en scène aussi de son histoire avec Marilyn Monroe, où il reconnaît, en effet, bien sûr, elle est... Marilyn Monroe a toujours, comment dire, ce qui est touchant dans sa vie, elle a toujours envie d'aller vers le haut. Je veux dire, elle dit elle-même, c'est important, qu'elle n'a pas de parents, qu'elle connaît pas son père, qu'elle n'est pas sûre, que sa mère était folle quand même, qu'elle était internée, que je crois sa tante était folle. Donc elle craint la folie et elle a toujours, elle veut éviter les orphelinats, elle connaît 10 familles adoptives, ce qui est absolument incroyable, 10 familles adoptives. De temps en temps, il y a des gens qu'elle appelle tante, qui sont gentils avec elle, mais qui peuvent pas la garder parce qu'ils ont pas d'argent. C'est comme ça qu'a lieu son premier mariage. Et en même temps, ce qui est très important, on a l'impression, et c'est dans le premier entretien important, je trouve, qu'elle donne à Georges Belmont, c'est qu'elle a le sentiment qu'elle vient de rien, qu'elle est quasiment, comme une orpheline, qu'elle a pas de racines et tout, et elle veut s'ancrer quelque part, et elle veut apprendre, et elle veut aller plus haut. Il y a toujours un désir. Elle n'est pas là en train de se dire « je suis une belle femme et je me contente de ça et je vais jouer de... » Non, elle veut se cultiver. Aller à l'université, à UCLA notamment. Oui, elle veut aller à l'université. Et puis quand elle commence à être actrice, qu'est-ce qu'elle dit à un moment donné aussi intéressant ? Elle adore aller à l'Acteur Studio. Elle adore Lee Strasberg. Elle adore qu'il la remet. Elle adore son psychiatre qui lui dit il faut bouger, il faut changer les choses. Donc c'est ça qui est très touchant chez elle. Il y a toujours ce désir de se perfectionner et d'aller plus haut. Tiffaine Samoyo. Oui, alors effectivement, elle a ce désir d'aller plus haut, un perfectionnisme qui est aussi très frappant dans ses notes, les notes qu'elle prend justement après ses cours à l'Acteur Studio et son désir de progresser, etc. Mais elle s'en remet aussi à ses autorités masculines, dont beaucoup d'entre elles sont assez manipulatrices et qui l'oppressent aussi en même temps. Et donc ce désir d'aller plus haut, c'est aussi une conscience permanente de son imperfection. Et du coup, ces moments de désespoir sont d'autant plus violents qu'elle a l'impression de ne pas atteindre ni ce qu'elle attend d'elle-même, ni ce qu'on attend d'elle. Hein, parce qu'on voit très bien que ce qu'attend Lee Strasberg et l'Acteur Studio, c'est extrêmement exigeant. À la fois, c'est son psy. En même temps, c'est une grande actrice quand même. Et ça, à l'Acteur Studio, on devait bien s'en rendre compte. Oui, on devait s'en rendre compte, mais c'était un travail aussi permanent, je pense. On la laissait pas si libre que ça, de faire ce qu'elle voulait ou de prendre des décisions. On le voit, il y a cette extraordinaire lettre à son psychanalyste, le docteur Grinson, qui montre l'état de désespoir dans lequel elle pouvait être aussi plongée et dont témoigne, je dirais, à la fois son rapport à la littérature et son rapport à l'écriture. Mais cette lettre, je vous propose justement qu'on l'écoute. Il n'y avait aucune empathie à la clinique Payne-Whitney. Et cela m'a fait beaucoup de mal. On m'a interrogée après m'avoir mise dans une cellule, c'est-à-dire en béton et tout, pour les grands agités, les grands dépressifs. Sauf que je me sentais dans une sorte de prison pour un crime que je n'avais pas commis. J'ai trouvé ce manque d'humanité plus que barbare. On m'a demandé pourquoi je n'étais pas bien ici. Tout était barricadé et sous clé. Et il y avait des barreaux partout, autour des lampes, sur les armoires, aux toilettes, aux fenêtres. Et les portes étaient équipées de petites fenêtres pour que les malades soient visibles tout le temps. Et il y avait aussi sur les murs le sang et les graffitis des patients précédents. J'ai répondu, il faudrait que je sois folle pour aimer être ici. Ils m'ont demandé de me mêler aux autres patients, d'aller en ergothérapie. Pourquoi faire ? Leur ai-je demandé. Vous pourriez coudre, jouer aux dames, aux cartes même, ou encore tricoter. J'ai essayé de leur expliquer que le jour où moi je ferais ça, ils auraient vraiment affaire à une cinglée. Ces choses étaient vraiment au plus loin de moi. Ils m'ont demandé pourquoi je me sentais différente des autres patients, je suppose. Alors je me suis dit que s'ils étaient assez bêtes pour me poser de telles questions, je devais leur donner une réponse tout aussi simple. Aussi ai-je dit « parce que je le suis ». Tiffaine Samoyo, qu'est-ce que vous entendez dans cette lettre qui nous parle de ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire aussi cette part d'ombre qu'il y a chez Marilyn Monroe ? Oui, et le début de la lettre est tout à fait pathétique parce qu'elle évoque les larmes qui lui viennent lorsqu'elle voit le portrait de Freud. Elle, à l'hôpital, elle lit les œuvres complètes de Freud. C'est quand même assez intéressant. Elle le dit dans le début de la lettre. Et elle pleure parce que elle voit sur cette image qu'il souffre. Donc elle est dans une empathie extrêmement profonde avec ce portrait. Et quelqu'un lui explique que c'est parce qu'il avait des problèmes physiques. Mais elle essaye de sonder dans ce visage, voilà, la part souffrante avec laquelle Freud a essayé de soigner les maux psychiques de l'humanité et les siens propres. Enfin, je trouve que c'est très frappant que cette lettre commence par par la mention de elle lit aussi une biographie de lui, mais elle a ses œuvres complètes avec elle à l'hôpital psychiatrique. François Guérif, il est beaucoup question dans le livre de Norman Rosten du rapport de Marilyn Monroe avec son psychanalyste, le docteur Grinson. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'il en dit et notamment comment elle s'installe chez lui, comment dans la thérapie le docteur imagine que c'est bien qu'elle fasse quasiment partie de sa famille? Bah écoutez, je peux en dire que ce qu'on dit Norman Rosten, oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Norman Rosten s'étonne un peu que Marilyn Monroe puisse, d'ailleurs pour au moindre prétexte, d'un seul coup, elle achète un objet ou qui représente un couple, et elle dit on va s'arrêter voir mon psychanalyste pour lui montrer. Et que le psychanalyste lui explique que c'est très bien que la méthode qu'il emploie, c'est en fait de l'inclure dans sa famille. Voilà, j'en sais pas plus. Ouais. Hein, je veux dire, et c'est sûr que c'est quelqu'un qui a énormément compté pour elle, et que en tous les cas, c'est quelqu'un. C'est à mon avis, il symbolise aussi le fait qu'elle avait en effet toujours besoin un petit peu d'appeler au secours. C'est ce qu'elle fait aussi avec Norman Rosten. Ce qui est très intéressant, c'est quand Rosten explique, elle a pas d'horaire, elle téléphone d'un seul coup, il est 2h du matin, il y a un décalage horaire et tout, et d'un seul coup, elle est en manque, elle est en panique, d'une certaine façon, elle a peur, et elle appelle les gens qu'elle aime, elle a besoin d'être rassurée. Oui, il y a un rapport au temps qui est très spécial, et ça, on s'en rend bien compte à la lecture de ce livre. Elle se rend pas compte, par exemple, qu'il y a un décalage horaire très important entre la côte Est et la côte Ouest. Oui. Et puis, ce qui est très, très, très, très beau dans le livre, et qui est pour moi très significatif, en effet, avec ce désir depuis le début de mort, c'est ce serment qu'ils se font tous les deux, c'est le jour où l'un de nous voudra se mettre en l'air, on se promet de s'appeler avant. Et qu'en fait, elle l'appelle la veille de sa mort et qu'il comprend pas que c'est un appel au secours. Tiffaine Samoyo. Oui, c'est frappant quand on lit ne serait-ce que le livre qu'on a cité tout à l'heure de Joyce Carol Oates, mais aussi d'autres biographies de Marilyn Monroe. J'en ai lu un certain nombre avant de la traduire pour aussi pouvoir être sensible à certaines références ou certains moments de crise qu'elle avait vécu. Qu'il y a une véritable collusion entre le monde du cinéma et le monde de la psychanalyse, et absolument à cette époque-là, c'est vraiment très fascinant à voir, avec aucune règle. Avec quelque chose aussi excessif dans l'usage de la psychanalyse que l'usage de la drogue, que ce monde, tout ça a été absolument entremêlé. Et à mon avis, contribue aussi à une manipulation du personnage. Joyce Carol Oates, de nouveau, un extrait de Blonde. Well, I saw her as a definitely a woman. Je la vois comme une girl femme. Who had to grow up young. Indiscutablement. She was already grown up when she was 16 in some ways. Comme une jeune fille qui a dû grandir trop vite. Commercialized as a, en fait, elle est devenue femme à 16 ans. Female. Puis elle a été commercialisée comme une femme enfant, car cela rapportait plus de la montrer sous ce jour-là. On l'a vraiment infantilisée tout au long de sa carrière. devenue plus mature et joué des rôles plus sérieux, aurait détruit tout ce glamour qu'on avait construit autour d'elle. À New York, elle aurait pu jouer Shakespeare et d'autres auteurs classiques et devenir une vraie actrice. Hollywood n'a jamais voulu qu'elle devienne autre chose que la jeune et jolie petite starlette. Même à 30 ans, lorsqu'elle demandait des rôles plus sérieux, continuait à lui donner ses rôles de jeunette sans profondeur. Le prince et la danseuse était censé lui donner son premier grand rôle d'actrice, mais ça n'a pas marché. J'ai étudié son jeu en regardant ses films, et j'ai l'impression d'assister au développement d'une actrice dont le talent grandissait au fil des films. Les hommes préfèrent les blondes, n'est qu'un film parmi d'autres, mais c'est l'image que tout le monde a retenue d'elle. Or, elle n'est pas du tout restée cette jeune blonde éternellement. My room alone, every post meridian, and I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Joyce Carol Oates qui s'entretenait avec Michel Schneider dans une grande traversée du 2 août 2012. C'est vrai que sa vie a été un combat entre l'image hollywoodienne qu'elle avait et puis l'aspiration à une construction culturelle et artistique dont l'acteur studio lui avait donné la possibilité. Mais, et comme on l'a vu déjà, François Guérif, avec vous depuis le début de cette émission, finalement, il n'y a jamais eu réellement de possibilité pour elle d'intégrer totalement le milieu, notamment du théâtre, mais aussi peut-être du cinéma, davantage d'auteurs. C'est l'anecdote avec Laurence Olivier, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Oui, mais le problème avec Laurence Olivier, c'est que Laurence Olivier était quelqu'un, c'est un grand acteur, c'est quelqu'un d'assez prétentieux et qui est très... Moi, je suis pas entièrement d'accord avec... Je suis d'accord avec Truffaut quand il dit que toutes les généralités sont mauvaises à dire. Il y a des films où Marilyn Monroe ne joue pas la blonde sexy. Ouais. Je pense au Démon s'éveille la nuit de Fritz Lang. Elle fait la femme d'un pêcheur. Et elle est très très bien d'ailleurs. Elle est face à Barbara Stanwyck et elle est très bien. Il y a le film où elle joue une nurse qui est malade dans Troublez-moi ce soir de Roy Baker. Donc ça n'est pas entièrement vrai que depuis le début on lui a fait jouer simplement les poupées sexy et tout. C'est plus complexe que ça. Et des gens comme Billy Wilder le disait d'ailleurs, c'est quand même cet ordre de réflexion. Il l'engage pas seulement sur son image, il l'engage parce qu'il pense que c'est une bonne actrice, une grande actrice. Bon, donc c'est plus complexe que ça. Tiffany Samoyo, quand même, vous, dans les extraits que vous avez traduits, les fragments que vous avez traduits, il est question probablement de cet épisode avec Laurence Olivier où ça s'est très mal passé parce qu'elle savait, il ne savait pas comment la prendre et inversement. Et puis il avait eu des mots quand même assez malheureux à son endroit et donc dans un certain nombre de petits textes, on a l'impression que c'est de ça dont elle parle. Oui, on a l'impression que c'est ça dont elle parle et également peut-être d'autres qui la font revivre d'autres scènes d'humiliation ou précisément c'est peut-être le revers de cette envie de perfectionnisme, de perfectionnement d'elle-même qui font que la fragilité et l'humiliation sont vécues de manière terrible et de manière ultra sensible, et c'est souvent dans ces moments-là qu'elle éprouve le besoin de se confier à des cahiers, parce que dans les fragments il n'y a pas que des poèmes achevés constitués en poèmes, il y a énormément de notes qui ont manifestement une visée thérapeutique. Mais qu'elle a quand même choisi de garder. Pourquoi, selon vous ? Qu'elle a choisi de garder... Parce que parfois, c'est des feuilles volantes sur des bloc-notes de l'hôtel. Oui, mais finalement, c'est assez rare que l'on jette ces carnets intimes. On peut demander à des gens de les jeter après soi ou prendre la décision à un moment ou à un autre de tout jeter. Mais vous ne pensez pas qu'elle a voulu, à un moment donné, qu'elle s'est dit que peut-être ça vaudrait publication ou... Je pense qu'elle aurait souhaité que ses poèmes fussent publiés, mais sans doute pas ces notes-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas intérêt à les publier, parce que comme je le disais en commençant, c'est aussi le contact entre ce qu'elle est pour nous, lectrices et lecteurs, et ce qu'elle a produit qui fait œuvre. Mais non, je ne pense pas que ces notes écrites sur des papiers d'hôtel ou sur des cahiers où figurent aussi des listes de courses ou de choses à faire étaient vouées à la publication. Il n'y a pas de projet pérequin chez Marilyn Monroe. Dans votre dernier essai, Tiphaine Samoyo, Traduction et violence, vous étudiez justement cette question de la traduction et de la violence. Là, la violence, c'est plutôt la violence subie par Marilyn Monroe plus que celle de la traduction. Je parle aussi de la violence que l'on ressent quand on traduit, et c'est vrai que être en contact avec l'intimité d'une femme qui a été tellement blessée, ça fait violence, ça rencontre des vulnérabilités en soi, c'est une expérience qui a sa part sombre également. Et donc on n'en sort peut-être pas exactement comme on y est entré. Merci à tous les deux, Tiphaine Samoyo, François Guérif, de nous avoir parlé aujourd'hui des écrits de Marilyn Monroe, de son amour pour la littérature et de son rapport avec le monde littéraire. Cette émission ne serait pas complète sans son point d'orgue quotidien avec vous, Romain de Bec-de-Lièvre. Bonjour. Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Un point d'orgue qu'on appelle ici la pièce jointe. C'est un manuscrit de presque un millier de pages que dépose à la fin des années 90 la romancière américaine Joyce Carol Oates à la maison d'édition Harper Collins. L'alias de feuillet porte en titre un seul adjectif, blonde. Ces pages retracent la vie de Norma Jean sous une forme romanesque. L'autrice nous prévient dès le début de sa préface. Blonde est une vie radicalement distillée sous forme de fiction. Soit une très belle définition du projet qui suit plus ou moins chronologiquement les événements successifs de la vie de celle que l'on nomme Marilyn Monroe. La sixième et dernière section du livre est intitulée « La vie après la mort, 1959-1962 ». On y trouve l'un des chapitres les plus formellement étranges du roman, les œuvres complètes de Marilyn Monroe. Il faut signaler que pour Oates, le groupe nominal Marilyn Monroe ne recoupe pas la personnalité de Norma Jean. Je cite un passage du texte « Marilyn Monroe, en majuscule, était un robot créé par le studio avec un S majuscule, fichtrement dommage qu'on n'ait pas pu le breveter ». Voici donc un extrait du chapitre « Les œuvres complètes » de Marilyn Monroe. Oh et, soyons heureux ensemble s'il vous plaît, c'est pour ça que nous existons. Ça m'est apparu dans une vision, c'est pour ça que nous existons. Le sexe est naturel, et je suis à fond pour la nature, pas vous? Le fait est qu'on ne risque pas d'attraper le sexe à cause du cancer, je veux dire la mort à cause du cancer. Je veux dire la mort à cause du sexe. On ne peut pas, sinon en enfer. Nous serions créés comme nous sommes. La nature est le seul Dieu. J'ai été créé par la nature, comme je suis. Je veux dire, j'ai été créé comme ça. J'ai été créé, Marilyn. Et ne pouvais pas être quelqu'un d'autre depuis le commencement du monde. Je crois en la nature. Je crois, je veux dire que je suis nature. Nous sommes tous nature. Vous êtes Marilyn aussi si vous êtes nature. Cela, je le vis. Nous pouvons compter avec quelque confiance sur un avenir d'une incalculable longueur, et comme la sélection naturelle n'agit que pour le bien de chaque individu, toutes les qualités corporelles et intellectuelles doivent tendre à progresser vers la perfection. N'y a-t-il pas une véritable grandeur dans ce qu'une infinité de belles et admirables formes sorties d'un commencement si simple n'ont pas cessé de se développer et se développent encore ? Je m'amuse tellement dans la vie, sûr que je vais être puni. Ainsi est écrit l'un des chapitres les moins linéaires du roman Blonde de Joyce Carol Oates. Mais comment est-il construit? Il s'agit d'un montage de plusieurs textes, des extraits d'interviews accordés par Marilyn Monroe, des inventions de la romancière, des effets de typographie, d'espace, de majuscules, de distorsion de mots, et d'un passage de l'essai L'origine des espèces de Charles Darwin, publié en 1859. Le texte progresse en délirant ainsi la création et les formes créées, la nature, Marilyn et le sexe. L'exercice langagier et un peu formaté de l'interview prend alors des proportions proprement vertigineuses, où toutes les espèces et créatures vivantes deviennent Marilyn, deviennent les œuvres complètes de Monroe elle-même. Dans le dernier chapitre de son roman Blonde, Joyce Carol Oates ne conserve que deux vers signés de la main et extraits des poèmes de Marilyn Monroe. Je cite « À l'aide, à l'aide ». Merci beaucoup Romain de Bec-de-Lièvre pour cette évocation de ce chapitre poème du roman Blonde. Elle est à retrouver évidemment sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Sans oser le demander, aujourd'hui consacré à Marilyn Monroe à l'occasion de la reparution aux éditions Segers du témoignage de Norman Rosten, Marilyn Ombre et Lumière, et puis de la reparution, mais cette fois en point, du livre Fragment, fait des textes écrits par Marilyn Monroe et traduit par Tiphaine Samoyo. C'est aux éditions, donc Point Seuil.